Coca bonne zane de soubouté. Money, c'est pas possible. Au changer moté pas. Lobby, lobby, oh yo, toni kani na malembe. La kamwe, la kamwe. Lobby, lobby, oh yo, coca bonne comme y'a bambou bambou. Ton soin l'intéo, ton elle est bandate. La mécénité. Billy Galiga, oh, Bobani musicien. Billy Galiga, tchèque, oh, mon vali joueur. Bilinga, linga, oh, mon vali mayaoula. Bilinga, linga, oh, bilinga, linga. Bilinga, linga, oh, mon vali yangare. Bilinga, linga, oh, bilinga, linga. Bilinga, linga, oh, mon vali sakule. Bilinga, linga, oh, mon vali yeloko. Bilinga, linga.